Chapitre 11e. Bien que la cour soit longue des Champs-Élysées à la Bastille, le colonel avait voulu la faire à pied. Heureux de se trouver enfin dans Paris, il ne voulait pas qu'une voiture, l'emportant plus ou moins rapidement, l'empêchât de voir ce qui se rencontrerait sur son chemin. Le plaisir pour lui était de marcher, de s'arrêter, de flâner, et de regarder tout à son aise ce qui lui plaisait dans ces rues qu'il parcourait pour la première fois. Au moins tel avait été le plaisir qu'il s'était promis. Mais une fois en route, il ne pensa guère à regarder autour de lui, ni à flâner, ni à s'arrêter. Son esprit était resté dans l'entresol du prince, et c'était machinalement qu'il marchait, insensible à ce qui l'entourait. Quelle admirable créature que cette jeune fille! Et il se surprit à répéter son nom, Carmélita, Carmélita. Quels beaux cheveux noirs, quel pur profil! Mais se trouvait-il quelque chose dans ce front bas, dans ces yeux clairs, sans profondeur? Que cachait cette physionomie calme et froide? Est-ce que cette froideur apparente était réelle? N'était-elle pas démentie par ces nuances rosées qui couraient sous la peau brune? Elle n'avait pas seulement la beauté, cette Carmélita, elle avait encore l'étrangeté, le mystère. Ce que son ami Pompéran lui avait dit revenait à sa mémoire. Si Carmélita n'épouse pas un empereur ou un roi, c'en est fait du prince Mazzazzoli. Et pourquoi n'en épouserait-elle pas un? Assurément, personne plus qu'elle n'était digne d'un pareil mariage. Reine, elle l'était. Levant les yeux, il fut tout surpris de trouver devant lui une haute colonne en bronze que dominait une statue dorée s'envolant dans les airs. C'était la colonne de Juillet. Il arrivait à la place de la Bastille. Ainsi, il avait parcouru tous les boulevards sans en avoir conscience. Alors il haussa les épaules par un geste involontaire. Il avait honte de lui-même. Quelle folie! Puis, voulant secouer l'impression qui pesait sur son esprit, il se mit à regarder la colonne et à promener ses yeux aux quatre coins de la place. C'était donc là, cette place célèbre, dont le nom était tant de fois revenu dans les récits de son père. Cette ouverture à gauche était l'entrée du faubourg Saint-Antoine. Cette maison, dont la façade était bariolée de couleurs voyantes, c'était celle de l'épicier Pépin. Son père avait été un de ces combattants républicains qui, dans cette maison, en juin 1832, s'était si bien défendu qu'il avait fallu le canon pour les en déloger. Ce souvenir chassa celui de la jeune Italienne. Ses yeux et son esprit s'ouvrirent à ce qu'il voyait. Combien souvent son père lui avait-il raconté ses batailles des rues? L'exilé aimait à revenir en France de cœur et d'esprit, et pendant les soirées d'hiver, il n'avait pas de plus grand plaisir que de parler à son enfant, qu'il écoutait, bouche béante, de son fameux faubourg, le faubourg de la gloire, comme on l'appelait autrefois, le faubourg, pour tout dire, en un mot. Son histoire était la leur. Jacques Chamberlain, le premier dont on parla, avait été un des vainqueurs de la Bastille. Plus tard, avec Westermann, son ami, et l'Américain Fournier, il avait été aux Tuileries le 10 août et il avait jeté à bas la royauté. Plus tard encore, en 1830, combattant entre ses deux fils, malgré ses 76 ans, il avait été tué par la balle d'un soldat de la garde royale. Les fils avaient continué le père et le nom de Chamberlain était depuis 89 resté vivant dans le faubourg. Il s'arrêta un moment devant la maison qui fait le coin de la rue de la Roquette et du faubourg Saint-Antoine, et, avec ses souvenirs d'enfance, il reconstitua le combat de 1832 tel qu'il s'était passé. À la fenêtre d'angle, son père avait vu trois de ses amis successivement blessés près de lui. Rue de Charonne, il s'arrêta encore devant la maison où on avait porté son grand-père frappé à mort. Puis il continua son chemin. Son esprit n'était plus aux Champs-Élysées, et il eut des yeux pour voir des gens qui passaient près de lui, descendant la rue en portant sur leur tête ou sur leur dos des meubles neufs. Combien de fois son père lui avait-il parlé de la Trolle? Dans ces gens, il reconnut des ouvriers qui, en cette journée du samedi, allaient tâcher de vendre aux marchands en gros ou aux Auvergnats le meuble qu'ils avaient fabriqué dans leur semaine. Il fallait de l'argent, on ne pouvait pas attendre. Par les récits de son père, il connaissait assez bien la maison où avait vécu son grand-père et où vivait maintenant son oncle pour la trouver sans numéro. De loin, il la reconnut comme s'il l'avait déjà vue. Il reconnut la porte cochère flanquée de deux appentis, les enseignes peintes sur les bossages des pilastres, la grande cour pleine de ferraille d'un côté et de l'autre de billes de bois des îles, puis au fond de cette cour, la vieille maison à façade sculptée, qui autrefois dépendait de l'hôtel Mortagne, qu'habita Vaucanson et qui depuis a été appropriée, tant bien que mal, à des usages industriels et à des logements d'ouvriers. Entrant par cette grande porte et tournant à droite sans hésitation, comme un vieux locataire, il frappa à la fenêtre du concierge. Mais les concierges de la rue de Charonne ne ressemblent pas à leurs confrères des beaux quartiers de Paris. Ils ont souvent autre chose à faire qu'à garder leur loge. Personne ne lui ayant répondu, le colonel traversa la cour et monta l'escalier qui dessert l'aile gauche de la maison. Il connaissait son chemin. Au quatrième étage, la porte en face. Le nom de Chamberlain avait été gravé dans le bois, par les deux frères, à la pointe du couteau. Et pour cette œuvre d'art, ils avaient reçu en paiement une correction, également partagée entre eux par la main paternelle. Mais il eut beau frapper à cette porte, elle était fermée. Personne ne répondit. Il écouta et n'entendit aucun bruit à l'intérieur. Que voulait dire ce silence? Un samedi, pas de travail. Il y avait là quelque chose d'inexplicable pour lui. Il frappa de nouveau. Alors une porte s'ouvrit sur le palier et une femme parut, tenant dans ses bras un enfant chétif, tandis que deux autres enfants non moins pâles et moins chétifs se pendaient à sa robe qui semblait devoir le rester aux mains par lambeaux. « Vous demandez les chamberlains, » dit-elle. « Est-ce qu'ils ne demeurent plus ici ?»« Oui, mais ils sont tous partis à l'exposition, rapport à ce qu'Antoine est délégué. Et puis le manchot est sorti pour promener ses oiseaux. Et savez-vous s'ils vont rentrer ?»« Le manchot, pour sûr, il ne va pas tarder. » À ce moment, on entendit un pas traînant dans l'escalier et le pépiment d'oiseaux. La femme se pencha par-dessus la rampe et regarda dans la cage. « Voilà le manchot, » dit-elle, « il vous renseignera. » Bientôt arriva sur le palier un homme qui portait deux cages attachées sur un bâton. Non seulement il était manchot, mais encore il boitait. « Voilà un monsieur qui demande après vous, » dit la femme. Alors le manchot, ayant posé ses cages sur le palier, tira une grosse clé de sa poche et ayant ouvert la porte, il fit entrer le colonel. « Excusez, » dit-il, « si vous avez attendu, mais j'étais sorti un moment pour promener les petits. » Disant cela, il montra ses oiseaux tout en s'occupant à accrocher les cages à la fenêtre. Dans l'une de ces cages se trouvaient deux moineaux parisiens, deux pierrots, et dans l'autre un seul. « Vous savez, » continua le manchot, « au printemps, ces petites bêtes, ça s'ennuie, ça a envie de courir. Alors je vais, de temps en temps, quand je peux, les promener dans le terrain de la fabrique. Il y a de l'herbe déjà verte, ça leur fait plaisir. Seulement, je suis obligé de les mettre dans deux cages, parce que je vais vous dire... Il y a deux mâles et une femelle, et si les mâles étaient ensemble, ils se tueraient, jaloux qu'ils sont comme des Turcs. N'est-ce pas, Pistolet ? » Il prit le moineau qu'il appelait Pistolet et le posa sur sa tête. Puis il continua d'aller et venir. Sa boiterie balançait l'oiseau comme s'il eût été une branche secouée par le vent. « Est-ce que M. Chamberlain sera longtemps sans revenir ?» demanda le colonel. « Je ne crois pas, mais je ne peux pas vous dire au juste. C'est la première fois qu'il va à l'exposition. » Et vous pensez bien qu'il aura eu des choses à examiner, et de près. Mais vous pouvez l'attendre. Seulement, si c'est pour un travail pressé, je peux vous dire qu'il ne lui sera pas possible de s'en charger. Pour le moment, j'entends. Il y a de l'ouvrage. On ne peut pas le dire, et il y a bien à se plaindre. Seulement, pour Antoine, il y a toujours de l'ouvrage. Quand on ne peut pas se passer des gens, il faut bien les faire travailler. Ah, s'il pouvait se passer de lui! C'était dans un atelier que l'homme au moineau avait fait entrer le colonel, et tout en parlant, tout en écoutant, celui-ci regardait autour de lui. Au plafond étaient suspendues des pièces de bois, placées là pour sécher, sans gêner le travail. Sur les établis étaient posées les pièces en train. Contre les murs étaient accrochés des modèles dessinés sur le papier ou des plâtres, des gouges, des ciseaux, des outils de toutes sortes. On marchait sur des copeaux de toutes couleurs, blancs, rouge, noir. Est-ce qu'il n'y avait pas autrefois plus d'établis dans cet atelier ? Demanda le colonel. Il me semble qu'on pouvait à peine y circuler. Autrefois ? Ah oui, du temps de Jacques Chamberlain, c'est vrai. Mais Jacques Chamberlain était ébéniste. Il avait des aides et Antoine est sculpteur. Il n'a que Michel avec lui. Voilà comment vont les choses. Le père était menuisier, le fils est sculpteur. Vous l'avez connu, le grand Jacques ? Puis regardant le colonel avec plus d'attention, le manchot porta sa main ouverte à son front en faisant le salut militaire, sans doute pour honorer le grand Jacques. « Mais non, dit-il, vous n'avez pas pu le connaître. Jacques a été tué en 1830, et pour sûr, vous n'étiez pas encore né. Ça vous ferait 37 ans, et vous n'avez pas cet âge-là. » « Je l'ai connu par mon père, qui me parlait de lui. Ah, votre père le connaissait. » « Et il aimait, l'admirait. » « Tout ça, ce n'est pas étonnant. Votre père était un homme juste, voilà tout. Mon père était son fils. » « Son fils. Son fils, mais alors ?»« Alors vous, si c'est ainsi, vous êtes le fils d'Édouard, vous êtes le colonel. »« C'est Antoine et Thérèse qui vont être contents, depuis si longtemps qu'ils parlent de vous. » Les exclamations du Manchot avaient été si bruyantes, ses mouvements avaient été si brusques, que Pistolet, inquiet, avait quitté son perchoir chevelu pour aller se poser sur un morceau de bois, où il pépit avec colère. Sans s'inquiéter de lui, son maître s'approcha du colonel et lui tendant la main. « Et moi aussi, je suis content, dit-il. Donnez-moi une poignée de main. » Comme le colonel le regardait avec surprise. « Donnez, donnez, j'étais l'ami de votre père. »